moi c'est simple, une basse, un sample, une batterie. Et le flow part, tu veux que j'arrête, faut ma batterie. Le faux du vrai, moi j'ai un calibre et je m'en tire pas. Du coup je serai pas dans ce calibre, ouais, c'est trop simple de faux soyez la téverie. Mais en vérité, c'est vraiment que la téverie. De toi, de eux, de moi, de ceux qui font plus pop est un aron et moi. Et c'est tellement simple d'écrire, d'écrire, des crises et des crimes. Bluff, tu connais la vie, t'écris une écriture simple et un futur sain. Comme une patasse, tu veux jouer du gros bonnet. C'est simple, si tu capes pas, tu l'empoules. Toi dans le rap, tu bats, tu vends comme le set des poules. Ici c'est de l'eau authentique, qu'on fout à l'eau authentique. De game, PPNP, y'a nos flottants. C'est simple, ici même le sommet te plombe. Là où la fatigue et l'insomnie t'harcèlent à coups. Ouais c'est simple, c'est une banalité mais une fatalité qui finira par talité. C'est simple, comme la façon qu'on encaisse. Dû à ce genre art qui fout les sentiments en pièces. Ouais c'est simple, c'est une évidence. La facilité de te faire bouger donc évidence. C'est tellement simple de parler cru, t'as vu la rue ça pue. Depuis que la pub prend une place importante dans ma vue. Déçu forcément juste, un flow ciseau qui ne cesse de s'excillonner. C'est ceux qui sont qui savent, c'est ça je t'envoie un flow sectionné. Dis-moi d'Atchak, est-ce que tu trouves qu'ils le sont forts? Ils parlent de haine une fois encore, balance du sang sur le décor. On dégomme, on décolle, comme un daddy est cela dit. En France le rap en 2008, une maladie. Mais cela dit, je kiffe tellement le rap que tout est bon à prendre au tango. Panko, même sans onco, je préfère le tango à leur délire, où je demande à lire. Leur lyrique se trop gonflé comme un élève demande à lire dans mon hip-hop. Pas de Porsche Cayenne, juste un beat et un speech. Non pas de bitch, que du bitch, elle échange comme un film. C'est tellement simple de dire ce que tout le monde a déjà dit. Mon rap est attaqué en place, elle s'appelle Nas comme Jazzy Baz MC. C'est simple, ici même le sommet te plombe. Là où la fatigue et l'insomnie t'harcèlent à coups. Ouais c'est simple, c'est une banalité mais une fatalité qui finira par talité. C'est simple, comme la façon qu'on encaisse. Dû à ce genre art qui fout le sentiment en pièces. Ouais c'est simple, c'est une évidence. La facilité de te faire bouger donc évidence. Mais qui sont donc ces chiennes qui gênent Daddy Chagoyen, la zik est mienne et contre ces bâtards payennes et fait des siennes. Quand je rappe c'est simple, comme deux et deux font quatre. Le mic est mon fil et moi son acrobate. Des phases et des phases et des phases, le MST fait déporter le phage. J'ai pas fait du son pour plaire à tous ces nazes. Mon inspi c'est ma vie et mon thème c'est la rage. Moi je suis un mec avec ou sans la fève. Ma galette est noire, c'est pas une tarte à la crème. T'aimes ou t'aimes pas, je m'en bats les couilles, c'est pareil. Pour l'instant on est là, demande aux frères du 18ème. On est encore peu et c'est ce qui fait qu'on veut beaucoup. Vouloir viser plus haut pour sortir la tête des égouts. Je pensais que c'était simple et c'est pourtant si compliqué. Tous les jours je tape mais faut aussi s'accrocher. Ça a l'air simple comme le blaze d'un malgache. Mais mon œuvre est profonde, ne fait pas d'amalgame. C'est toujours simple de faire croire qu'on a du vécu. En vrai beaucoup bal trinque et non pas un écu. Tu m'as laissé le mic mais franchement t'aurais pas dû. Tu crois tout gagner mais on se crée t'as tout perdu. A chacun son tri. Tu vois le mien est en suspens. J'suis suspect car souvent j'suis sujet à soupçon. C'est saoulant et selon les ragots des salons. Le salut des salauds me salit et c'est chiant. Le salut des salauds me salit et c'est chiant. C'est simple, ici même le sommet te plombe. Là où la fatigue et l'insomnie t'harcèlent à coups. Ouais c'est simple, c'est une banalité mais une fatalité qui finira par talité. C'est simple, comme la façon qu'on encaisse. Dû à ce genre art qui fout les sentiments en pièces. Ouais c'est simple, c'est une évidence. La facilité de te faire bouger donc évidence. C'est simple, ici même le sommet.